Bonjour chers cinéphiles, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je suis toujours avec Aurore qui ne me quitte pas. Enfin, moi je serais bien malheureux si elle me quittait parce que c'est mon acolyte et je suis son acolyte aussi, hein, bien sûr. Bonjour Kevin. Tu vas très bien ? Bien et toi ? Bah oui, tu vois, on dit toujours tu vas bien, moi j'ai envie de dire tu vas très bien. C'est vrai, on va toujours très bien. Quand on parle de cinéma, de toute façon, on va toujours très bien. Donc là, on démarre voilà, une nouvelle année. Tranquillement, on a pris le temps hein, en cette nouvelle année, mais on a pris le temps parce que là, on va parler d'un film, mais pas n'importe quel film, puisqu'il s'agit de Dune, deuxième partie, qui avait cartonné, hein, le premier, on en a tous entendu parler, qui était réputé inadaptable, hein, puisqu'il y a eu d'autres adaptations, que ce soit en film, en téléfilm ou en série, qui n'étaient pas forcément à la hauteur. Mais là, en l'occurrence, le premier a conquis le public. Donc Denis Villeneuve revient pour cette seconde partie. Petit synopsis rapide, Paul Atreides s'unit à Shani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisi entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Rien que ça. Alors, qu'en as-tu pensé, Aurore ? Déjà, est-ce que tu avais aimé le premier ? Alors, Mitigé. Ouais, ah, ouais. Bon, bah, j'espère que là, ça s'est levé avec le deuxième et que le deuxième t'a nettement plu. Alors, personnellement, je ne connaissais pas du tout l'univers de Dune 2, de Dune en général d'ailleurs. Ouais. Le livre, tout ça, je ne connaissais absolument pas les adaptations, je n'en avais pas vu. J'y avais été parce que voilà, j'en avais largement entendu parler. Et j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir un commencement pendant tout le film. Et j'avais vraiment l'impression d'être devant un film qui mettait en place l'histoire, mais ça n'avançait pas. On a tellement l'habitude, même dans les suites, il y a un début, il y a un combat, il y a une fin, même quand il y a des suites. Et là, ce n'était pas le cas. Bon, je savais que c'était en trilogie, en triptyque, mais le film, c'était 2h15, je crois. Il durait 2h20, ouais, à 2h20, peu près, ouais. Hors générique. Oui, ouais, c'est ça. Et 2h20 de mise en place, c'était long. et du coup, je ne l'ai pas gardé en mémoire. Vraiment, quand je suis allée voir le Dune 2, je me suis dit, est-ce que je vais à cette représentation-là ? Est-ce que je vais à cette séance-là ou pas ? Parce que je ne me souvenais pas du tout du premier. Je me dis, j'aurais jamais le temps de voir le premier avant cette séance-là. Et j'y suis allée quand même. Et personnellement, bah, ça ne m'a pas embêtée. Je sais pas toi si... Alors moi, pour le coup, en effet, j'ai eu la même impression que toi au premier visionnage au cinéma. Ouais. C'était une longue et lente exposition de beaucoup de choses. Alors en effet, visuellement, c'était très joli. Ah, oui. Au niveau bande originale, c'est pareil, la musique, etc. Bon, peut-être que parfois, ça peut être même un poil trop, mais voilà... Ça mettait en place beaucoup de choses. Il y a quand même quelques moments intéressants, mais bon... C'est vrai qu'on reste un peu dans l'expectative. Comme tu dis, 2h20 d'introduction, ça peut être long. Donc, moi, pour le coup, j'ai pris le parti pris de revoir le premier avant d'aller voir le deuxième. Ouais. Je l'ai vu la veille, tu vois, pour vraiment l'avoir bien en mémoire. Et étonnamment, j'ai nettement apprécié le premier au second visionnage. Et j'ai des amis avec qui je l'ai revu, c'est pareil. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, lorsque j'ai vu la première fois, ok, pourquoi pas. Oui. Mais en le revoyant, étant donné qu'on sait globalement à quoi s'attendre, on s'attarde sur d'autres choses, on comprend mieux aussi les choses, parce que bon, c'est quand même complexe. Enfin, je veux dire, complexe. Il y a beaucoup de choses. Quand même. Ouais, c'est un univers, c'est les univers Star Wars, Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est des univers, le Hobbit, c'est des univers qui sont extrêmement complexes, complets. Et Dune en fait partie. Et si on n'y connaît rien, c'est pour ça que je précise que je n'y connaissais rien. Et si on n'y connaît rien, on peut vite être... soit on se laisse bercer, on accepte comme ça, mais du coup, on peut trouver effectivement ça un poil long et pas forcément s'attarder sur les bonnes choses. Bah, c'est vrai que moi, après l'avoir vu le premier, je sais qu'après, j'ai été allé voir plein de choses sur Internet pour mieux comprendre, appréhender aussi, ne pas rester dans l'ignorance. Mais en le revoyant une seconde fois, pour le coup, j'ai beaucoup plus apprécié. Et en voyant le deuxième, tout s'est ouvert, tout s'est dégagé. Parce que pour le coup, le deuxième, ça n'a rien à voir. On retrouve quand même un peu du premier sur certains trucs, mais le film, il est plus long, il dure 20 minutes de plus hors générique, je crois 2h40, il est plus sombre, visuellement ça va encore plus loin, couleur chaude, noir et blanc, Ça, j'ai adoré le noir et blanc. Les musiques, déjà le film démarre, il y a une musique assourdissante. Et pour le coup, au niveau de l'histoire, peut-être que ça... Alors, je dis pas qu'elle est moins complexe, mais ça apporte des trucs. Mais c'est souvent les épisodes de transition comme ça dans les trilogies, je les trouve jamais bien, moi, je sais pas pourquoi. Dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, c'est pas mon préféré. Le Hobbit, pareil, le deuxième. Enfin voilà, moi, les deuxièmes, je suis pas fan. Et là, étonnamment, pour le coup, j'ai été fan. Ouais. Oui, non, je suis d'accord. D'ailleurs, tu parlais du noir et blanc, c'est pas vraiment du noir et blanc. Ah, pardon. Oh là là. Voilà. Alors là, attention. Aurore, il faut savoir que c'est une technicienne avertie, que moi, je ne suis pas. Alors, c'est quoi? Alors, en fait, effectivement, c'est du noir et blanc, mais en fait, ils ont utilisé c'est de l'infrarouge. C'est des images prises en infrarouge qu'ils ont du coup mis en noir et blanc. Donc, en fait, c'est un peu de l'inversé. Et donc, les costumiers, ils ont eu beaucoup de galères. Et donc, ils ont, pour créer le noir et blanc, en fait, ils ont utilisé de l'infrarouge pour vraiment contrebalancer. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des choses extrêmement blanches et au contraire des trucs très noirs, parce qu'on n'aurait pas ce degré de contraste, en fait, si on était en simple noir et blanc. Donc oui, voilà. Ils jouent sur les contrastes, c'est ça. Finalement. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, voilà, ouais. Mais... Ouais. C'est ça. Et donc, qu'en as-tu pensé dans sa globalité, toi qui avais été pas déçu, mais finalement peut-être trop dans l'attente avec le premier, donc là pour le coup, ce second opus. Non, je l'ai trouvé très bien. Alors, une batterie d'acteurs. Et beaucoup que j'apprécie particulièrement. Ouais, vraiment, j'étais dans le film, je connais l'acteur là. Déjà, dans le premier, c'était le cas, et là, ça l'est aussi d'autant plus. J'aime beaucoup les films comme ça qui traitent d'univers, on va dire, fantastique. Donc non, j'ai vraiment apprécié. Et oui, tu disais, c'est cette comparaison entre les couleurs extrêmement chaudes, qui sont très très belles, très bien faites. Denis Villeneuve aime particulièrement ce genre de... Oui, oui, oui. Voilà, Blade Runner 2049 notamment. Oui. Voilà. Et le noir et blanc, oui, qui était très très très beau. Ah bah oui, c'est très marquant. Et puis Austin Butler, c'est ça. Qui joue un méchant. Oui, il est méchant, hein, il n'est pas gentil. Oui, ouais, mais franchement, il arrive vraiment. Oui, puis il est vraiment présenté, très dark. Oui. C'est ce pet qui manquait peut-être justement au premier. Ouais. Je ne dis pas que c'était aseptisé, mais bon, oui. Voilà. Là, il y a vraiment un parti pris. Les méchants sont vraiment les méchants. Ça va encore loin. On retrouve les anciens acteurs qui sont bien aussi. Il y a l'arrivée de nouveaux personnages qui, je pense, seront davantage exploités dans la suite, ce qui est prévu normalement de ce que j'ai lu. Je pense notamment au personnage de Florence Pugh, la fille de l'empereur, jouée par Christopher Walken, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps d'ailleurs. Léa Seydoux, c'est pareil, peut-être qu'on la reverra aussi dans le troisième opus. Et ce que j'ai aimé moi dans ce film, et je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est que ce Dune 2, le livre était certainement avant-gardiste, il est écrit dans les années 60, Dune, 65 je crois. C'est très féministe finalement comme film. Pour moi, j'ai vu davantage de personnages féminins et finalement des héroïnes, finalement pas que le héros joué par Timothée Chalamet. Et ça, pour le coup, j'ai énormément apprécié. Ça change. Ouais, on s'attend beaucoup du coup sur Zendaya et son ami, je ne sais plus le nom. Donc les deux... Oui, je vois de qui tu veux parler, mais j'ai plus le nom non plus qui me vient en tête. Et aussi sur Rebecca Ferguson. Elle a un rôle extrêmement important. Bien c'est sûr. Même elle... Ouais. Qui porte le film. Hein. Ouais, enfin, clairement. Ça fait plaisir. Hein. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais moi, je l'apprécie particulièrement. Ouais. Hein, ouais, ouais. On l'a découvert. Moi, je l'ai découvert dans les Missions Impossibles. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes actrices et elles portent le film. Et Timothée Chalamet, bon, oui, il est le personnage principal, mais au final, il se fait guider en fait par les femmes tout au long du film, hein, c'est clairement ça. Lui, il prend ses décisions grâce aux femmes qui sont autour de lui. C'est pour ça que dans le synopsis, ils disent qu'il est tiraillé, notamment par l'amour, parce que là, pour le coup, Zendaya, elle a un vrai rôle par rapport au premier où elle arrivait un peu sur la fin, qui n'est pas inintéressant pour le coup, et c'est vrai que oui, c'est girl power, donc c'est très bien pour le coup d'amener ça. Mais pas accentué. Ouais. Mais pas accentué. C'est ça. Par rapport aux films de super-héros Marvel ou je ne sais trop quoi d'autre. Non, là, au moins, c'est bien amené. Leurs rôles sont crédibles. Et oui. Ouais, non, elles ont toutes leur utilité. C'est pas on les a placées là parce que il faut remplir nos quotas. Oui, c'est sûr. Voilà. Et le film n'est pas avare en scène d'action non plus. Non. Il y en a même peut-être plus que dans le premier. Et ce que j'aime bien, c'est que, comme toujours, mais bon, c'est très américain, le film est vendu comme un blockbuster parce que voilà, les Américains aiment bien ça, mais finalement, pour moi, on est quand même sur un anti-blockbuster parce que le film prend quand même toujours son temps, il est très bien écrit, scénarisé, et il y a vraiment des scènes d'action au bon moment qui ne sont pas gratuites. Moi, j'ai horreur des scènes d'action juste parce qu'il en faut. Et là, pour le coup, les scènes d'action sont là, sont marquantes. Même si, pour moi, je pense qu'il y a eu quelques coupures, et c'est vrai qu'il y a quelques scènes d'action parfois où... Un peu courtes, ouais. Mais bon, le film dure déjà 2h40, donc bon. Après, même s'il avait duré un peu plus longtemps, moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé. Mais bon, faut pas non plus trop en faire. Mais voilà, sur l'aspect action, en tout cas, ça, c'est top. Ouais. Et ils aiment particulièrement bien le fait qu'ils peuvent chevaucher les verres. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais... Il y a beaucoup, beaucoup de scènes sur ça. Mais oui, non, c'est vrai que les scènes d'action sont placées à des moments assez stratégiques du film. Et, c'est pour ça qu'on s'ennuie pas en tant que spectateur, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Au bout d'un moment, on se dit, ah, c'est long. Et puis d'un coup, hop, elle nous met pile au bon moment une petite scène d'action, ils détruisent une machine. Et puis, c'est reparti. Oui, non, mais c'est très bien. Hein, le film est très bien fait, hein, clairement. Mm. Là. Denis Villeneuve, il sait y faire. Hein. Il a plus rien à prouver, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc en effet, il y aura un troisième, forcément. D'ailleurs, ça sera le dernier, même si il y a 5 tomes. Mais Denis Villeneuve, a priori, a fait le choix d'adapter que les 3 premiers tomes. Il va faire une pause entre le 2 et le 3, il l'a dit. Oui. Il l'a annoncé. Et je crois qu'il sera sous-titré Messia ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, il y a déjà eu un titre provisoire, je crois, annoncé. Et il y a une série aussi qui va sortir, je crois, Prophétie, justement, peut-être qu'il ira peut-être sur d'autres choses, même si déjà, il a raconté beaucoup de choses avec ce second opus, mais j'attends le troisième avec énormément d'impatience pour le coup, parce que là, clairement, on n'a pas attendu trop longtemps quand même entre le premier et le deuxième, mais bon, il y a eu la grève qui a retardé des scénaristes, etc., parce qu'il devait sortir normalement l'année dernière, fin d'année dernière, et là, il était décalé quelques mois, mais l'attente en valait la peine. Oui, non, clairement, oui. Après, Denis Villeneuve l'a dit, hein, il avait même pas fini de tourner, voire de monter le premier, qu'il avait commencé à écrire le 2. Et c'est pour ça qu'il va faire une pause entre les deux. Donc, je pense, même s'il y a eu effectivement la grève, je pense qu'on va quand même attendre un petit peu plus longtemps. Oui. On verra bien. Mais... Oui, bon, après, les studios sont derrière pour dire, bon, pas trop longtemps quand même, parce que c'est bon. Bon, même si c'est, voilà, le premier a fait des millions d'entrées, là, le deuxième est bien parti aussi. Il fait même mieux que le premier, il est très très bien noté, ça soit Allociné ou sur d'autres sites. Hein. 5, oui, c'est énorme hein, pour ce genre de film. Généralement, les blockbusters, entre guillemets, américains, sont moins bien notés, mais parce que là, voilà, c'est un vrai film, c'est réfléchi. Enfin, franchement, non. Ceux qui ont été, pour le coup, peut-être déçus du premier, revoyez-le. Faites pas comme Aurore, non, j'égale. Voilà, allez voir le second opus parce qu'il mérite vraiment d'être vu au cinéma. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est un film à voir au cinéma dans les meilleures conditions possibles. Et puis, on attend avec impatience la suite. Après vous avoir parlé donc de notre coup de cœur de ce mois-ci, Aurore a l'habitude de dénicher des faits étonnants, des fun facts dans les films. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de 1917 de Sam Mendes. Je ne sais pas si tu te souviens, Kevin, dans la scène de à peu près 17 secondes où il court devant les tranchées et qu'en même temps, il y a les figurants qui sortent des tranchées pour aller se battre. Oui, cette scène est assez marquante dans le film. Voilà. Donc, oui. Eh bien, George Mackay, donc l'acteur principal du film, tombe à 2 reprises, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est parce qu'il se fait percuter par les figurants et ce n'est pas prévu dans le film. Ah mince, je ne savais pas ça. C'était pas prévu. Et en fait, Sam Mendes n'a pas voulu arrêter la scène. En fait, ils ont continué, il n'a pas dit couper. Et donc, du coup, l'acteur a dû reprendre sa course pour rattraper son retard. Et c'est pour ça qu'en fait, on le voit courir, se faire frappé par un migrant et peut courir encore une fois. D'accord, donc, ok. Voilà. Ah oui, je ne savais pas du tout. Oui, parce que l'idée principale du film, c'est d'être filmé en un seul plan séquence. C'est ça. Donc, en effet. Donc, 17 secondes vaut mieux. Oui. Vu le nombre de figurants, valait mieux pas s'arrêter et reprendre son retard. Oui, oui, je suis bien d'accord. Cher cinéphile, à chaque fois avec Aurore, on se projette un petit peu dans les prochaines semaines, savoir un petit peu qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui nous hype. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai vu que fin mars, il y avait une suite qui sortait, parce que c'est le quatrième opus de Kung Fu Panda qui sort cette année. Tu l'as vu Kung Fu Panda, Aurore? Non. Non. T'en as vu aucun? Aucun. Mais c'est une honte. Ouais, je sais. En vrai, c'est hyper bien, en plus. C'est DreamWorks et tout. Ah non, mais je sais. Moi, je suis resté sur Dragon chez DreamWorks. Hein. Ah bah, c'est très bien, Dragon. Ah, oui. D'ailleurs, il va y avoir un film. Oui, bon. N'en parle pas. Donc, Kung Fu Panda qui a démarré quand même en 2008, la saga. Donc, tu vois, ça fait un moment. Hein. Ça fait une quinzaine d'années. Et là, plusieurs années après le troisième opus, parce que le troisième opus est sorti en 2016. Donc, 8 ans après. Ah oui. T'as une suite qui sort à Kung Fu Panda. Po apprend qu'il sera promu guide spirituel de la Vallée de la Paix et va devoir trouver un remplaçant pour le rôle de guerrier dragon. Mais la caméléon, une sorcière polymorphe, fait revenir Tai Lung, Shen et Kai et prend leur apparence afin d'affronter Po. Donc ça, ce sont des anciens méchants des anciens films. Pour l'arrêter, Po va faire équipe avec Zen, une renarde criminelle plus sympa que l'on pense. Voilà. Donc moi, j'ai vu les trois, j'avais adoré. Moi, ce que j'ai aimé dans cette saga, déjà, c'est drôle, c'est enlevé, c'est DreamWorks, donc c'est qualitatif, c'est un peu comme Pixar. Et c'est bien doublé, que ce soit en VO ou en VF. Alors moi, je les ai vus en VF, parce que bon, il y a 15-20 ans, j'étais plus jeune que maintenant. Bon, je sais pas ce que ça va donner, parce que le problème de refaire des suites comme ça longtemps après, on peut se dire ça sent le réchauffer. J'ai vu la bande-annonce, j'ai pris plaisir à retrouver le personnage déjà. Oui. Donc voilà, je me fais pas d'a priori, je me dis pourquoi pas. Et puis je me dis pour, entre guillemets, la nouvelle génération qui a pas forcément connu avant, je me dis... Voilà, ça peut être intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait ce quatrième, mais sans trop de lien avec les précédents, pour se dire, y a une trilogie, il y a vraiment une continuité. Et là, ce quatrième, il est un peu à côté, donc peut-être qu'ils se disent, peut-être qu'on va relancer la saga et on va repartir sur un cinquième et un sixième. Donc voilà, moi, en tout cas, ce qui me hype dans les prochaines semaines. Et toi, Aurore? Eh bien, moi, c'est un film qui sort le 10 avril 2024, donc évidemment. Réalisé par une réalisatrice française qui était à Cannes. Donc le film, c'est Rosalie, c'est sur une femme à barbe, c'est un biopic. Dans les années 1870 en France, c'est un casting plutôt intéressant. C'est avec Benoît Benjimel et Benjamin Biolay. Oui. Et puis moi personnellement, j'apprécie particulièrement les biopics. Et puis quand c'est en plus c'est réalisé par une femme. Non, et puis les histoires de femmes assez inconnues qui ont des destins assez surprenants, hein, surtout dans les années 1870, une femme à barbe, c'est pas évident. J'aime beaucoup ces histoires, ces destins exceptionnels, hein, pour en citer beaucoup, hein, Joséphine Baker, etc. Plein de personnes et de femmes assez exceptionnelles qui ont été un petit peu malheureusement oubliées par l'histoire, mais qu'on essaye depuis quelques années en BD notamment, on essaye de refaire découvrir ces destins un petit peu oubliés. Mais très puissant et très intéressant. Et donc là, c'est avec Nadia Terezevich. Enfin, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que le nom, je n'arriverai pas à l'écrire. Donc je prononce à ma façon, qui est une très bonne actrice d'ailleurs, parce que mine de rien, en peu de temps, elle avait eu un César d'ailleurs, pour film sur le théâtre, j'ai oublié, réalisé par Valeria Boni-Tedeschi. J'ai oublié le titre, voilà. Mais voilà, c'était sur un groupe de jeunes dans un théâtre, Patrice Chéreau, enfin toute cette époque où il y avait eu notamment l'apparition du sida, etc., qui est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Donc voilà, on l'a vu dans Mon Crime aussi, plus récemment. de François Ozon, avec Rebecca Marder, qui est pareil, qui est une actrice montante dans le cinéma français, bah écoute, ouais, pourquoi pas, je pense que ça peut être intéressant. Il faut mettre en avant, tu as raison, les films réalisés par des femmes, d'autant plus français. Et la réalisatrice, je la connais, enfin je la connais, pas personnellement, mais j'ai vu un de ses précédents films qui était La Danseuse, pareil, qui remettait en avant un personnage féminin un peu oublié, qui a l'initiative de je ne sais plus trop quoi dans la danse. C'était à Gaspard Ulliel d'ailleurs, le regretté Gaspard Ulliel, qui est un très bon film. Donc si tu ne l'as pas vu, bah, je t'encourage à le voir. Donc voilà, on a deux choses complètement différentes. On a un film d'animation avec Kung Fu Panda 4 le 27 mars et le 10 avril, donc Rosalie. Et puis bien évidemment, il y a plein d'autres films qui vont sortir dans les prochaines semaines. Donc j'espère que vous irez voir en tout cas Dune chapitre 2. Puisque voilà, on l'a adoré, il va rester longtemps à l'affiche, oui. Je serais pas surpris qu'on le voit encore jusqu'à cet été. J'espère qu'en tout cas, voilà, je sais pas si voilà, j'aurais envie de le revoir au cinéma, pourquoi pas, tiens, peut-être. Pourquoi pas. Bah oui, je pense, ouais, c'est un film peut-être à revoir, là encore, pour peut-être s'arrêter sur des éléments peut-être voilà, qui sont passés à côté, dont on est passé à côté, c'est possible. Et puis bah, on se retrouve prochainement pour parler cinéma, comme toujours. Mais bien sûr. Merci à toi, Aurore. Merci à toi, Kevin.